Ça pas du tout collé avec la fontaine. Ça, ben, c'est là, je demandé un autre après. Ça, c'est la standard. Oui, on la connaît, nous, ça, c'est l'enchance. Dans les mains d'amitié, dans les...